ce n'est qu'un lourd instant de crise qui revient. Un grand amour meurt à Venise, et c'est le mien. Il doit faire très beau dans la vie de celles qui m'ont aimé. Le jour se lève et moi je rêve de m'évader. La vie. Jamais ma mort. J'aurai moins le cafard dès que sera parti. De ma mémoire, cet adagio d'Albinoni. Si pour une fois un de mes rêves se réalise, que par miracle ma gondole s'envolait. Rêverie, vous m'avez fait aimer à la folie, et pendant que se débattait nos corps, parfois j'ai cru que c'était pour la vie. Tu n'auras jamais ma mort.